Vous écoutez France Culture. Premier temps d'une nouvelle semaine spéciale de la Fabrique de l'Histoire, baptisée Fabrique de l'Histoire de l'Art, pendant laquelle nous l'avons déjà fait autour de la Renaissance. Nous tentons de mêler les analyses des historiens et des historiens de l'art autour d'une période artistique particulière. Cette semaine est consacrée donc aux impressionnistes à l'occasion de la nouvelle exposition présentée à partir de cette semaine au musée Marmottan Monet à Paris, consacrée aux impressionnistes et à leurs collectionneurs. Demain, Perrine Kervran nous parlera de Manet et du travail autour d'un tableau, donc le portrait de Zola. Mercredi, nous intéresserons à la façon dont écrivains et analystes, autres qu'historiens d'art, ont pu parler des impressionnistes. Jeudi, nous débattrons du post-impressionnisme. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous promener dans l'exposition qui commence en cette fin de semaine au musée Marmottan, donc à Paris, en compagnie des deux commissaires, Marianne Mathieu et Claire Durand-Ruel. On y évoque la relation qu'ont entretenue les impressionnistes avec leurs collectionneurs, les marchands d'art également. On y parlera de Berthe Morisot, de Frédéric Basile, de Claude Monet, de Pissarro, mais aussi, bien sûr, de Degas et de Manet. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire aujourd'hui. Nous voici donc pour cette première émission de la Fabrique de l'Histoire de l'Art consacrée aux impressionnistes, donc au musée Marmottan, une sorte de temple de l'art impressionniste à Paris, qui prépare, et vous entendrez la préparation de cette exposition, une très grande exposition sur les collectionneurs, en particulier le lien des collectionneurs avec les impressionnistes, une collection, des collections privées pour la plupart d'entre elles, qui sont exposées ici même, donc au musée Marmottan. Nous sommes avec vous, Marianne Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-commissaire de l'exposition et également co-directrice ou adjointe au directeur du musée Marmottan. Et nous sommes avec vous, Claire Durand-Ruel, Snow Arts. Bonjour. Bonjour. Et donc, vous êtes également co-commissaire de cette exposition. Alors d'abord, pourquoi avoir voulu faire une exposition qui mette l'accent sur cette question de la relation des impressionnistes avec leurs collectionneurs, pourrait-on dire, à la fin du 19e et au début du 20e siècle? Cette exposition est une exposition anniversaire. Le musée Marmottan célèbre en 2014 le 80e anniversaire de son ouverture au public et ses collections sont nées de la volonté de particuliers. Paul Marmottan, dans un premier temps, qui était le propriétaire de cette demeure dans laquelle nous vivons, si j'ose dire, aujourd'hui, qu'il a décoré avec passion de son mobilier empire, de ses tableaux du début du 19e siècle, et qui le lègue à l'Académie des Beaux-Arts. Le musée ouvre pour la première fois au public en 1934, et en 80 ans d'existence, ce musée va doubler ses collections en s'ouvrant à l'impressionnisme. Et ces collections vont être d'une part tout à fait considérables, puisque le musée Marmottan accueille aujourd'hui le premier fonds mondial d'œuvres de Claude Monet, le premier fonds mondial d'œuvres de Berthe Morisot, mais elles sont aussi le fait de la générosité de particuliers. Alors on ne peut pas tous les citer, mais il faut au moins en évoquer trois. Je dirais la première, la fondatrice des collections impressionnistes du musée Marmottan, c'est Victorine Donneau de Monchy, de Béliot de son nom de jeune fille, une jeune femme qui naît en 1863 à Paris et qui, en 1940, donne au musée Marmottan les 11 tableaux impressionnistes qui lui restent de son père, au premier rang duquel Impression Soleil Levant. Et donc, ce tableau qui donne son nom à l'impressionniste, qui est reconnu aujourd'hui comme un marqueur absolument essentiel de l'histoire de l'art, entre dans notre demeure et fonde ses collections. Alors, je dirais que ce miracle ne s'arrête pas là. En 1966, Michel Monet, qui est donc le dernier descendant direct de Claude Monet, décède des suites d'un accident de voiture sur le pont de Vernon. Et son testament révèle qu'il a institué le musée Marmottan, son légataire universel. Alors du jour au lendemain, cet hôtel particulier, qui est un ancien relais de chasse, qui a des salons qui sont décorés de lambris, de dorures, et qui... On est sous ces lambris et ces dorures dans cette salle, justement, cette salle d'ouverture ici. Cette salle à manger, absolument magnifique, avec un centre de table... De Thomire. Qui est magnifique aussi, donc qui représente là plutôt un art 19e siècle, en l'occurrence, mais pas cet art 19e siècle que sont les impressionnistes. Oui, il n'y avait aucun lien entre Paul Marmottan et les impressionnistes, je dirais peut-être même tout le contraire. Et donc du jour au lendemain, le musée accueille une centaine de peintures de Claude Monet. Et le premier fonds mondial d'œuvres de Claude Monet, alors évidemment c'est une révolution, c'est un bonheur. Et le directeur de l'époque, l'architecte académicien Jacques Carlu, conçoit une nouvelle salle qui est creusée sous le parc de l'hôtel particulier, pour accueillir cette collection sans pareil, et elle est inaugurée en 1970. Et on pourrait se dire que les choses s'arrêtent là, ce serait déjà beaucoup. Et l'histoire continue, et sans citer tout le monde, racontons quand même qu'en 1996, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de Berthe Morisot, Denis et Annie Roy, lègue par l'intermédiaire de leur fondation, leur collection, et le musée accueille 25 peintures de Berthe Morisot, une cinquantaine d'aquarelles de l'artiste, et l'ensemble de sa collection d'impressionnistes, au premier rang desquels le tableau de Manet, Berthe Morisot étendue, qui date de 1873 et qui est un des fleurons de nos collections et tout simplement un des portraits peut-être les plus émouvants et les plus puissants du 19e siècle. Alors, ça nous fait entrer dans cette relation que pouvaient avoir ces peintres avec leurs collectionneurs, Marianne Mathieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'effectivement, une collection de musées s'enrichit un peu par accident au départ, et puis ensuite qu'au bout du compte, eh bien, chacun se dit, c'est là que, quand on est collectionneur, j'aimerais déposer les tableaux qui sont les miens, parce qu'il y a une légitimité qui s'installe, d'abord par accident, comme je le disais, et puis ensuite qui progressivement fait de ce lieu le lieu de l'impressionnisme, alors qu'il ne l'était pas au tout départ, Marianne Mathieu. C'est vrai que le musée Marmottan n'était pas un lieu dédié à l'impressionnisme, loin s'en faut. C'était néanmoins une demeure, Et le lieu qui était habité par le souvenir de Paul Marmottan par un amateur d'art. Et c'est un musée privé, c'est une maison. Et finalement, Victorine Donneau de Monchy va choisir cette maison pour accueillir les œuvres de son père. Et lorsqu'on observe les photos de l'intérieur de Georges de Béliot, on découvre accroché à côté d'un Manet, accroché à côté d'un Renoir, des plats mauresques, des petites babioles achetées à Drouot. Bref, tout un univers éclectique qu'elle pouvait également retrouver dans l'univers de Paul Marmottan, qui était effectivement particulièrement connu pour sa passion pour l'Empire, mais qui collectionnait également des objets d'art ancien, notamment de très belles tapisseries, des tentures de Suzanne qui ne sont pas exposées en ce moment, ou des sculptures flamandes. Et donc, cette maison, c'est la dernière demeure qu'ils ont choisie pour accueillir à la fois des collections qui sont importantes artistiquement, mais aussi qui parlent de leur vie et qui parlent d'eux-mêmes. Ces collectionneurs nous ont légué une partie de leurs souvenirs d'enfance et de souvenirs de leur vie. Et d'ailleurs, ces collections n'ont pas que des paysages ou que des scènes de rue, mais montrent des scènes d'intérieur, mais aussi des portraits de famille, des objets qui n'étaient pas, des tableaux qui n'étaient pas destinés à être exposés ou montrés, mais qui étaient là pour témoigner de l'amitié entre un collectionneur et un artiste, qui étaient là pour témoigner de l'amour d'un père vis-à-vis de ses enfants. Et ces œuvres qui sont somme toute rares dans les musées, puisqu'elles ont rarement été vendues, eh bien, sont particulièrement représentées ici dans cette maison. Oui, parce que Marianne Mathieu, ce qui est intéressant dans cette peinture des impressionnistes, qu'on connaît bien, pour en particulier ces grandes peintures d'extérieur, enfin, même si ce sont des peintures de chevalet, ces représentations de paysages, c'est qu'il y a aussi une part de ces impressionnistes, et Renoir le premier d'entre eux, mais bien d'autres, qui présentent l'intimité bourgeoise de la fin du 19e ou du début du 20e siècle. Oui, tout à fait. Les impressionnistes vont s'intéresser et dépeindre le bonheur familial. Ces moments d'intimité qui se situent dans le cadre très restreint de la maison ou du jardin. Et effectivement, ce sont des scènes que l'on va retrouver chez Manet, que l'on va retrouver chez Monet. Il aura de très belles peintures d'Argenteuil qui le représentent dans son jardin avec son épouse, le petit Jean qui fait ses premiers pas, ou avec le bonheur du jardinage auquel initie d'ailleurs son ami Caillebotte. Et donc ils s'échangeront ensemble des plans de fleurs tout au long de leur vie. Et ce thème de ce bonheur familial, il est commun à tous. Et on le retrouve effectivement dans cette exposition. Ce qui est assez, je dirais, assez émouvant pour nous, c'est de retrouver les portraits des descendants de ces artistes, de leurs enfants, Julie Manet, Janie Gobillard, les enfants de Renoir, dont la vie est finalement liée à celle du musée Marmottan et dont les enfants ont été nos donateurs. Alors, si on s'intéresse de plus près à cette question de cette exposition, du rapport aux collectionneurs et en particulier aux collectionneurs privés, on se dit, Claire Durand-Ruel Snollertz, voilà des gens qui sont des parias, des marginaux de la peinture lorsque naît ce groupe des impressionnistes, qui ne s'appelle pas encore impressionniste. Il n'y a que quelques personnes, et parmi elles, il y a évidemment le marchand d'art Durand-Ruel, donc, qui est un de ces personnes-là qui repère dans ce groupe une peinture nouvelle. Qui sont les gens qui ont assez de prescience pour, à l'époque même où peignent Monet, Caillebotte et les autres, et Berthe Morisot ou Pissarro, pour se dire, là, je peux acheter ce tableau, même si, a priori, la critique de l'époque, même si l'opinion de l'époque rejette cette peinture-là. Alors, les premiers collectionneurs des impressionnistes sont très variés, ils sont en tout cas tous passionnés. Ils sont d'origine sociale variée, de milieux différents. Souvent, les premiers collectionneurs des impressionnistes sont souvent peuvent être dans la famille même, ou alors les artistes entre eux. On va penser notamment à Caillebotte, qui a une très grosse fortune et qui sera le premier, même grand mécène de ses camarades. On a aussi Gauguin, qui, lorsqu'il commence à travailler comme sa carrière d'agent de change, grâce à son tuteur, Gustave Arosa, qui est lui-même un grand collectionneur, donc il a les moyens financiers de soutenir ses amis. Donc il y a une entraide entre eux. Il y en a qui ont plus ou moins d'argent au démarrage de leur carrière. Et puis, tout d'un coup, on voit arriver des tas de différents types de personnages. Il y a le baryton, je pense, à Faure. Vous avez Victor Choquet, qui est un fonctionnaire au ministère des Finances. Vous avez le père Martin, qui est un petit marchand, Tanguy aussi, qui est un petit marchand, qui va soutenir, lui, acheter les premiers Cézanne. Ça, c'est au tout début. C'est dans quelles années? 1870, à peu près? Oui, c'est au tout début. Vous avez les Hetsch, vous avez Théodore Duret, qui est un critique d'art. Enfin, voilà, ils viennent un petit peu de partout. Et le premier marchand des impressionnistes sera, en effet, Paul Durand-Ruel. Et donc, lui, évidemment, repère ses talents, commence à les exposer. On les expose d'abord, peut-être pas d'abord, c'est la deuxième exposition donc, des impressionnistes qui se déroule dans sa propre galerie. Oui, la deuxième exposition. Alors, Paul Durand-Ruel repère Monet et Pissarro à Londres pendant l'exil de la guerre franco-prussienne en 1870. Il est déjà marchand de tableaux. Il représente l'école de Barbizon. Lui-même a fui la France. Il a ouvert une galerie à Londres, et quand il rentre ensuite à Paris, il se dit « je vais exposer ces artistes ». Ils exposaient au salon, à chaque fois ça marchait pas, donc ces artistes décident de se réunir en 1874 et dire « bon, maintenant on en a assez, on va monter notre propre exposition ». Donc 1874 est la première exposition des impressionnistes, qui va avec « Impression soleil levant » ici au musée Marmottan-Monet, qui va donner son nom au mouvement, et Paul Durand-Ruel, qui n'a pas, a envie de les soutenir, se propose d'accueillir la seconde exposition des impressionnistes en 1876 dans ses locaux, ce qui était très audacieux parce que la première exposition avait été un four. Ils avaient été déchirés par la critique. Et il a décidé d'associer son nom à ses artistes. Et par exemple, je crois que pour évoquer ce que nous disions tout à l'heure avec vous, Marianne Mathieu, la question des intérieurs, Caillebotte va faire la troisième exposition, si je me souviens bien, c'est la troisième exposition dans un appartement, c'est-à-dire que Paul Durand-Ruel ne pourra pas accueillir pour des raisons pratiques, je crois, la troisième exposition des impressionnistes, et il a l'idée, Caillebotte, de se dire tout compte fait, pour montrer à ses acheteurs potentiels, ses collectionneurs, que cette peinture va bien au mur d'un appartement parisien haussmannien, eh bien, pourquoi ne pas les exposer dans un appartement pour qu'ils voient ce que ça fait au milieu des cheminées, entre les portes, sur les murs. Oui, alors, il faut dire que toutes ces expositions dites impressionnistes, il y en a eu 8, la première en 1874, la dernière en 1886, elles ont toujours été organisées, je dirais, avec des bouts de ficelle. Mmh. Tout ça s'organise grâce à la générosité de Nadar qui prête un local, grâce à Durand-Ruel qui accueille dans sa galerie, grâce à Caillebotte qui ouvre les portes d'un appartement, grâce à Berthe Morisot, à Cassatt, à Roire qui finance ces opérations, qui sont finalement à la fois toujours extrêmement critiquées, rarement bénéficiaires, mais qui, d'une manière ou d'une autre, permettent à ce jeune groupe de se faire connaître. Et c'est quand même une des grandes réussites de ces expositions impressionnistes. Ils seront fortement critiqués, on rira d'eux énormément, mais on les connaîtra. Et progressivement, ce groupe d'artistes qui va être très longtemps, je dirais, mis au banc du monde artistique va, dans les années 90, commencer à être reconnu, et grâce notamment, et avant toute chose, au soutien inconditionnel et constant de Paul Durand-Ruel, sans lesquels il n'aurait pas pu, je dirais, traverser ces années qu'on dit aujourd'hui héroïques. Mais à l'exception de Berthe Morisot, de Caillebotte, de Mary Cassatt, de quelques autres rares artistes qui, eux, n'avaient pas besoin de vendre pour vivre, les autres devaient cruellement vivre de leur peinture. Et Monet raconte, dans les quelques entretiens qu'il a donnés, que l'exposition de 1974 est organisée car c'est une nécessité vitale. On ferme la porte du salon à ces jeunes artistes qui n'ont pas exposé depuis 1870, qui se sont exilés en Angleterre, qui, bref, n'ont pas vendu un tableau depuis 4 ans, et qui doivent absolument se faire connaître et donc s'ouvrir à une nouvelle clientèle. Et une clientèle qui sera d'abord nationale, vous l'avez bien expliqué, Claire Durand-Ruel, mais qui va aussi assez rapidement s'internationaliser. Et là encore, Paul Durand-Ruel va jouer un rôle important pour faire connaître cette peinture-là à l'étranger. Il y a déjà des collectionneurs dans l'Europe entière qui achètent tel ou tel tableau de tel ou tel impressionniste, mais il va falloir conquérir ce nouveau marché qui est le marché américain. Et Paul Durand-Ruel va ouvrir une galerie à New York à la fin des années 1880 qui va d'une certaine façon populariser la peinture des impressionnistes auprès d'un nouveau public riche, en pleine croissance économique, qui peut investir dans cette nouvelle peinture. Oui, Paul Durand-Ruel ne rencontrant aucun succès dans ses expositions en France. Aucun. Non, il ne rencontrait pas de succès. Donc il s'est dit, il faut que j'aille ailleurs, il faut que je traverse l'Atlantique. Et donc, il avait des très bons contacts là-bas, à New York, et il se dit, pourquoi pas, je vais tenter l'aventure. Donc il faut imaginer qu'en 1886, il va sur un paquebot avec plus de 300 toiles dans des caisses, en grande partie impressionnistes, et il les expose, et là, ça marche. On sait pourquoi ça marche ? Parce que les Américains étaient plus ouverts. Ils n'avaient pas les préjugés des Européens. Ils n'avaient aucun préjugé, c'était tout neuf, et ça marchait. Quand il a envoyé ses tableaux à New York, les artistes eux-mêmes, donc les impressionnistes, étaient furieux. Ils n'y croyaient absolument pas. On lit dans leur correspondance, ça va être un four, surtout, il ne faut pas envoyer, les tableaux vont partir en Amérique. Durand envoie les tableaux en Amérique, mais c'est la catastrophe et tout. Eux-mêmes n'y croyaient pas. Et si Durand, elle aussi, est allée aux États-Unis, c'est qu'il connaissait bien Mary Cassatt, américaine, vivant beaucoup en France, et qui lui a dit, mais moi, je connais des riches Américains qui aiment l'art, venez, venez. Donc, Mary Cassatt a beaucoup influencé et l'a immensément poussé à partir aux États-Unis. Donc, comme ça a marché la première fois en 86, il s'est dit, je vais recommencer. Sauf que les marchands américains se sont dit, il ne va pas commencer à vendre ses tableaux, comme ça, il y a des droits de douane. Et la première année, il était exempté de droits de douane. Mais là, la deuxième année, on a dit non. Donc, il s'est dit, ce n'est pas possible. Eh bien, il y a une seule solution, il faut que j'ouvre ma galerie. Et donc, l'année suivante, en 1896, il retourne aux États-Unis avec toutes ses caisses. Et là, il ouvre sa galerie. Ce qui est assez formidable, c'est qu'on s'aperçoit que donc, le salut pourrait venir des États-Unis, mais ce qu'on lit dans vos propres travaux, les unes ou les autres, c'est que les Américains, et d'ailleurs beaucoup des tableaux qui sont dans cette collection qu'on va visiter, dans cette exposition qu'on va visiter, viennent des États-Unis, auraient tendance à dire, écoutez, quand même, les impressionnistes, c'est nous. C'est quand même nous qui avons découvert ces personnages-là, c'est nous qui avons couronné ces artistes qui étaient maudits dans leur propre pays. On s'aperçoit quand même que le travail des historiens d'art aujourd'hui tend à réévaluer les collectionneurs européens, non pas à sous-évaluer les Américains, mais à se dire qu'au bout du compte, il y avait plus peut-être d'équilibre que de déséquilibre en leur faveur. Oui, finalement, le rôle des Américains, effectivement, a été absolument capital. Ils ont acheté, et quand ils ont acheté dans les années 80... Ils ont 1880. Oui, dans les années 1880, ils ont acheté à des prix qui étaient des prix corrects, alors que les premiers collectionneurs de l'impressionniste dont nous parlons, c'est Hecht, c'est Choquet, c'est Hojdé, c'est Duré, c'est Fort ou ceux de Béliot, achetaient des toiles pour 200 francs. Ils pensaient que c'était des chefs-d'œuvre, mais ça ne représentait rien. Le prix moyen d'un achat au salon par l'État, c'était 3000 francs. Oui. Donc vraiment, on était dans des sommes qui étaient tout à fait symboliques. Mais au-delà de ça, je pense que la question qui se joue, c'est l'accueil que la France a donné à moyen terme aux impressionnistes. Une première, je dirais, communauté d'amateurs s'est reconnue dans les années 70. Ce sont des Français, ils ont acheté les impressionnistes, les Américains ont pris le relais. Mais quand Caillebotte décède et qu'il lègue sa collection à l'État, l'État met beaucoup de temps à l'accepter et on reconnaît finalement difficilement et tardivement les impressionnistes, je dirais d'où cette propension aux Américains qui, eux, achètent et lèguent à leur musée ces œuvres, de dire, bon, effectivement, notre rôle est un rôle qui est un rôle clé et important. Alors, ce qui est très impressionnant, c'est de se dire que ces peintres ont été extrêmement prolifiques. Le plus prolifique d'entre eux, peut-être, c'est Monet, je crois. Mais tous ces peintres ont peint durant leur carrière des centaines de tableaux. Et effectivement, il y en a beaucoup à la fois au musée Marmottan-Monet ici à Paris, il y en a beaucoup dans cette exposition, mais on s'aperçoit que c'est quand même une peinture extrêmement prolifique. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'était le format? Est-ce que c'était la demande? Est-ce que c'était la commande? Est-ce que c'était la relation avec ses collectionneurs à partir du moment où l'impressionnisme devient, disons, de mode? En l'occurrence, qu'est-ce qui peut expliquer justement cette prolificité de ces peintres impressionnistes, Claire Durand-Revel? Je pense que tout d'abord, c'était la passion de peindre. Donc un artiste qui aime peindre, il peint toute la journée. Les formats ne sont pas des formats de tableaux de salon, ils ne font pas 4 mètres sur 3, donc on peint peut-être plus rapidement une plus petite toile. Et puis c'est surtout, je vais parler de Pissarro, que je connais bien comme artiste. S'il peignait, c'est parce qu'il ne savait pas faire autre chose et que c'était... Il adorait ça. C'est un peu comme le « Pourquoi vous écrivez » posé par Libération à Beckett. Et Beckett répond « Bon qu'à ça ». Voilà. Ils étaient bon qu'à ça. Et pour vous, Marianne Mathieu, c'est à la fois cette prolificité, cette multiplicité de toiles, de formats, de motifs aussi utilisés par les impressionnistes. Je pense déjà que ça n'était pas les seuls artistes qui étaient extrêmement prolifiques. On peut penser déjà à Corot, qui est quand même un des artistes qui a le plus peint. Donc effectivement, cette passion de peindre explique beaucoup. Et vous évoquez la question du format. Évidemment, elle est aussi importante, puisque peindre des petits formats sur chevalet avec des tubes de couleurs que l'on peut apporter de dehors, peindre en plein air et décider de représenter l'instantané, c'est aussi une rapidité d'exécution, je dirais, qui permet de développer un processus de travail qui est différent, qui peut être plus rapide et qui amène à peindre... Non pas industriellement, mais plus rapidement. Voilà, plus rapidement. Et finalement, celui qui va l'exprimer de la manière la plus complète et la plus synthétique, c'est Monet, à travers ses séries qu'il abordait, et donc il peignait plusieurs toiles au même moment. Il avait, pour ses matinées sur la Seine, devant lui plusieurs tableaux, et il reprenait successivement dans le temps, chaque toile représentant un moment très très particulier. Donc effectivement, ça peut aussi contribuer à illustrer ce propos. Alors, je vous propose donc, Marianne Mathieu et Claire Durand-Ruel, de nous lever, de quitter cette salle à manger et d'avancer dans l'exposition qui est en train de se préparer. Nos auditeurs vont entendre des bruits de perceuse peut-être, ou des bruits de préparation d'exposition. On va donc s'avancer dans cette exposition auprès des premiers tableaux, et en particulier le Frédéric Basile, on expliquera qui il est, et le Berthe Morisot qui lui fait face. On quitte donc cette salle. Nous avons fait quelques mètres avec vous, Marianne Mathieu, et avec vous, Claire Durand-Ruel, et nous sommes donc dans cette entrée majestueuse de cette exposition, dans les premiers tableaux, avec les premiers tableaux qui sont présents dans ces cimaises ici. Le premier d'entre eux, peut-être il faut le noter, est un tableau intéressant parce qu'il a un format assez éloigné de ce qu'on connaît habituellement des formats des peintres impressionnistes. Il est signé Frédéric Basile. Frédéric Basile, considéré comme une sorte de précurseur de l'impressionnisme dans le Midi en particulier, peintre très vénéré du côté de Montpellier, il était montpelliérain, qui, dans ce tableau qui s'appelle la terrasse de Méric, représente une vue d'extérieur avec cette très belle bâtisse de Méric qui lui appartenait et qui donne comme une sorte de balcon sur la campagne montpelliéraine. Alors, Frédéric Basile était un impressionniste, mais comme il est décédé très jeune, en 1870, pendant la guerre franco-prussienne, on a un petit peu tendance à l'oublier. Oui, mais il est même décédé avant même l'invention du mot impressionnisme. Oui, mais il avait pris part au mouvement, il était très proche de Monet et de Renoir, et ils étaient déjà, avant que l'exposition 1914 se monte, c'est déjà depuis plusieurs années qu'ils y pensaient, et Frédéric Basile avait pris une part très active dans l'élaboration de cette exposition. Malheureusement, il n'a pas pu y aller. Alors, vous me faisiez la remarque, c'est un très grand format. En effet, le tableau mesure 97 par 128 cm, donc ce n'est pas vraiment un tableau qu'on va peindre dehors sur son chevalet. Alors, il représente la terrasse de la propriété familiale, près de Montpellier. On voit à l'arrière-plan la façade du mât qui en brique, comme un très beau décor, qui est le décor de la composition. Et au premier plan, sur cette grande terrasse, il a représenté sa mère et ses deux cousines avec qui il converse. C'est lui qui est debout à droite. Et à l'arrière-plan, on aperçoit son frère et sa fiancée. Et ce tableau qu'il a peint durant l'été 1866 était destiné à être présenté au salon. Donc c'est pour ça qu'il a un grand format. Durant l'hiver 1866-67, il le retouche parce qu'on sait que les deux petits chiens qui sont à gauche ont été ajoutés plus tard. Il le présente au salon de 1867 et là, il est refusé. Ah oui. Mais il ne baisse pas les bras. Il va ensuite, après ce tableau, en peindre un second qui s'appelle La Réunion de famille et qui se trouve aujourd'hui au musée d'Orsay, qui est de format encore plus important. C'est dit peut-être qu'on ne l'a pas repéré. Donc maintenant, La Réunion de famille fait 152 par 230 cm et c'est au même endroit, sauf qu'au lieu de mettre 5 personnages, il va mettre 11 membres de sa famille, à nouveau lui-même. Et La Réunion de famille que je vous encourage à voir à Orsay, qui est absolument magnifique, donc c'est toute sa famille qui regarde le spectateur. Il le présente au salon de 1868 et là, il est accepté. Ah oui, donc ça voulait dire qu'effectivement, il y avait des codes qu'il fallait partager avec ceux qui sélectionnaient le salon participer à une sorte d'art classique, pourrait-on dire, qui était l'art de l'époque. Tout à fait. Et peut-être, on ne sait pas pourquoi il a été refusé, mais moi, j'imagine que le jury n'a peut-être pas aimé le contraste de toutes ces ombres, ces grandes ombres bleutées au premier plan, qui sont en fait, voilà, ils montrent bien la lumière crue du midi et ça leur a sans doute déplu. Et peut-être un caractère d'intimité que n'a pas l'autre tableau du musée d'Orsay, c'est qu'ici on est dans une scène de quelques personnages qui sont ensemble autour d'une discussion et on a l'impression de pénétrer de façon un peu particulière une intimité qui peut-être ne plaisait pas aux membres du jury du salon. Sans doute. Alors en face de ce tableau, nous avons ici le Edgar Manet, un bar aux Folies Bergères, un tableau qui lui, alors évidemment, est beaucoup plus petit, il est même tout petit par rapport à ce Frédéric Basile. Et là, on a la touche évidemment de Manet, le caractère parisien de cette femme qui est représentée sur ce tableau. On a une impression d'être dans la vie parisienne et non pas dans la vie montpelliéraine en plein air, qui est celle de Frédéric Basile, Claire Durand-Ruel. Oui, alors ce tableau, c'est l'étude du bar aux Folies Bergères qui se trouve au Courtauld à Londres. Donc, comme c'est une étude, il l'a fait en petit format, à l'atelier, parce que le bar aux Folies Bergères était peint en 1880 et Manet décède en 1883. À cette époque, il est très malade, il a la syphilis, il a des rhumatismes, il a début de gangrène à la jambe, il sera amputé. Et donc, on sait très bien que ce grand tableau, le bar aux Folies Bergères, est exécuté à l'atelier. Ainsi que l'étude, qui restera dans son atelier jusqu'à son décès. Et la serveuse que nous voyons est une vraie serveuse du bar des Folies Bergères, qui s'appelle Suzon, qu'il connaissait sûrement très bien. Et on sait que ce tableau lui a donné énormément de mal. Et ce tableau montre là tout le côté instantané, oui. Très esquissé, brossé rapidement, vivant. Très vivant. Ça, le jury ne pouvait pas apprécier. Alors, on est avec vous, Marianne Mathieu, pour décrire aussi ce petit tableau donc, de Berthe Morisot. Vous l'aimez particulièrement. Qu'a-t-il de spécifique ? On peut le décrire, un petit cadre doré un peu passé. Et à l'intérieur de ce cadre doré, donc très simple, eh bien, une scène d'intimité familiale dans un jardin. Le panier de pique-nique posé sur la droite du tableau, une ombrelle posée sur la gauche en bas, et au fond, évidemment, une frondaison d'arbres dont certains sont en fleurs. Oui, alors vous décriviez ce tableau, et particulièrement cette ombrelle sur la droite et ce chapeau abandonné, qui ne sont pas ceux du personnage central, qui est une jeune maman, toute vêtue de noir, chapeautée de blanc, accompagnée de ses deux petites filles. Alors il s'agit de la sœur de Berthe Morisot et de ses deux petites filles, Blanche et Jeanne. Et l'ombrelle, le chapeau, c'est celui de Berthe Morisot qui vient de les poser et qui est finalement face à nous, hors cadre, en train de représenter la distraction de sa sœur et de ses deux petites filles. Alors on parlait des scènes d'intimité, et bien voilà un des grands sujets qui va intéresser les peintres impressionnistes au début des années 1870. Et d'ailleurs Monet peindra un sujet tout à fait analogue, représentant une jeune femme sous des lilas, comme c'est le cas ici dans ce tableau qui s'intitule « Les lilas, amoureux court ». On est très loin, effectivement, de la peinture de l'époque, la grande peinture des salons, qui représente des divinités, des demi-dieux, des personnalités tirées de la Bible, par exemple. Il y a une sorte d'espace de fossé gigantesque entre ce qu'on promeut dans la peinture, disons, d'histoire ou dans la grande peinture de ces années-là. Et cette peinture de l'intimité, Marianne Mathieu. Oui, effectivement, la peinture du salon s'organisait autour de cette hiérarchie des genres qui conférait à un tableau une valeur et un intérêt particulier selon le thème qu'il abordait. Évidemment, au premier rang de cette hiérarchie se situaient les scènes religieuses, les scènes mythologiques et celles de grands personnages par leur exemplarité. Et ensuite, tout en bas de la hiérarchie se situaient les natures mortes, les paysages et les scènes de genre. Eh bien, la peinture des impressionnistes, cette nouvelle peinture, elle remet totalement en cause, indépendamment de son style, cette hiérarchie des genres. Elle va peindre l'intimité familiale, c'est-à-dire les scènes du monde moderne, la vie telle qu'elle est, telle qu'elle se présente et telle que chacun peut en jouir. De la même manière, on peut parler de ces peintures de paysages. Eh bien, ces paysages ne racontent aucune histoire. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne nous donnent aucune information à travers leur thème, seul ce qui compte, c'est la manière dont on va le peindre, c'est la manière dont on va, la couleur que l'on va choisir pour représenter un chemin ou une frondaison. Voilà ce qui va intéresser ces peintres et qui fait d'eux des peintres nouveaux en rupture avec le salon officiel. Sans compter les peintures du monde moderne urbain, par exemple, et en particulier de ces cheminées de chemin de fer, de ces gares, de ces raboteurs de parquet, évidemment, de caillebottes, de cette ville parisienne, par exemple, en profonde mutation post-haussmannienne, par exemple. Oui, tout à fait. Caillebotte est un de ceux qui va représenter, je dirais, de la manière la plus systématique et aussi à travers des points de vue extrêmement originaux, ce Paris moderne, à travers son architecture et je dirais aussi son animation quotidienne, cette espèce de fourmillement. À travers sa peinture, on reconnaît aussi, je dirais, le dandy moderne tel que Baudelaire a pu le décrire. Et Berthe de Morisot donnera une sorte de pendant féminin de cette peinture masculine, si l'on peut dire. Le musée Marmottan, d'ailleurs, possède une peinture qui s'appelle Le Bal, qui a été acquise à la seconde exposition impressionniste dont on parlait tout à l'heure et qui représente bien cette vie moderne dont les artistes impressionnistes vont être les interprètes. Alors on va se déplacer un tout petit peu dans cette exposition, avancer vers d'autres tableaux, en particulier les tableaux de Monet. Et là on se trouve avec vous, Claire Durand-Ruel, et avec vous, donc Marianne Mathieu, devant un des clous, pourrait-on dire, de cette exposition. Alors on pourrait croire qu'il y a là quelque chose à voir avec Eugène Boudin. On est sur une plage normande, en tous les cas, du côté de Trouville, du côté même des Roches Noires, ce fameux établissement au bout de la plage de Trouville. Il y a les planches, il y a la mer au loin, il y a le sable et il y a quelques drapeaux français qui flottent au-dessus d'établissements dont on peut penser que ce sont des établissements de bain. C'est quoi exactement ce tableau et de qui est-il, Claire Durand-Ruel? Alors ce tableau qui s'intitule « Sur les planches à Trouville » a été peint par Claude Monet au début de l'été en 1870. En 70, il vient de régulariser sa situation familiale en épousant sa compagne, Camille Doncieux, avec qui il a déjà un petit garçon, Jean, qui a 3 ans. Il va peindre à Trouville parce que son très grand ami et même professeur Eugène Boudin lui dit « Écoute, viens à Trouville, moi j'ai fait énormément de peinture, ça se vend très bien. » Donc il va aller suivre les pas de son maître, mais il ne va pas peindre exactement les mêmes motifs. Boudin va plutôt peindre des scènes de plage, un format très allongé, souvent découpé en 3 bandes parallèles, une bande de plage, une bande de personnages et une bande de ciel. Alors que Monet, lui, il va beaucoup plus s'intéresser à l'architecture, avec ses planches qui s'enfoncent dans la perspective. Et il va montrer une bourgeoisie qui flâne. Il faut se rappeler que la France va déclarer à la guerre durant l'été, à la Prusse, durant l'été 1870. Et là, ce sont les derniers feux du Second Empire. Oui, tout à fait. Et on voit que cette population n'a pas l'air d'être très perturbée par ce qui va arriver. Et elle est, elle passe de bonnes vacances. Ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que Monet en a peint 3 versions. Et celui-ci est resté pendant 114 ans dans la même famille. Et depuis 20aine d'années, il est chez un hôte particulier. Il n'a jamais été exposé. Donc là, c'est vraiment une sublime découverte. Et il a été peint à l'extérieur, d'où son petit format. Et si on analyse la touche picturale, ce qui a été fait, on retrouve des grains de sable avec le vent. Et l'hommage à Boudin, bien évidemment, avec ce grand ciel mouvementé. Qui est le ciel normand. Oui, et qui est la signature de Boudin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi pour cette exposition de le faire côtoyer à quelques mètres près, peut-être, d'un autre tableau qui vous parle à vous particulièrement, Marianne Mathieu, puisque c'est un autre tableau de Monet qui nous raconte une autre histoire, un autre paysage maritime. Là, nous avons un ciel bleu immaculé, sans aucun nuage, et des pins maritimes, un golfe, des rochers rouges qui nous disent qu'on est peut-être plutôt du côté de l'Esterel ou du côté des Maures, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Nous sommes sur la Côte d'Azur en 1884 et Monet peint Monte Carlo vu de Roquebrune. Et la grande montagne que l'on voit au loin s'appelle la Tête de Chien. Il y a donc 15 ans qui séparent les plages de Trouville que nous venons de décrire avec Claire de ce tableau. Il y a aussi, je dirais, 1000 kilomètres qui les séparent de cette lumière très pâle du nord, succède l'éclat du soleil pour Monet, et ce sera une révélation. Alors nous sommes en 1884, Monet, il y a quelques mois à peine, vient de s'installer à Giverny. Il n'a pas encore conscience que cette maison dont il est locataire sera son havre, elle n'est pas à son goût. Il doit l'aménager, il doit replanter le jardin, et il décide donc de voyager, et à l'invitation de Renoir, l'un de ses premiers voyages, c'est ce voyage dans le sud, où il va être totalement subjugué par la lumière du soleil, par la nature, par cette végétation qui l'inspirera d'ailleurs pour planter son propre jardin, et par ses compositions, ce paysage, je dirais très escarpé, où nous avons ces montagnes qui plongent dans la mer et qui lui inspirent des compositions extrêmement audacieuses, où vous avez un premier plan, une grande frondaison de pins, qui laisse découvrir dans un second plan le rivage et la Tête de Chien, et donc des compositions qui sont somme toute des compositions assez japonisantes, qui inspireront d'autres impressionnistes et qui montrent bien finalement le type de composition nouvelle, de regard nouveau que les impressionnistes auront. Et c'est ce que nous avons essayé aussi de montrer à travers notre accrochage, c'est de montrer des compositions que Monet, mais également Sisley ou Renoir avaient pu élaborer, concevoir de la même manière pour souligner les intérêts communs qu'ils pouvaient partager. Alors, vous avez beaucoup de travail en tant que co-commissaire de cette exposition. On va vous laisser repartir auprès des personnes qui sont en train de l'accrocher. Mais avant que vous ne partiez et que nous restions avec Claire Durand-Ruel, je voulais vous poser une question, Marianne Mathieu. Est-ce qu'on sait quelque chose de la spéculation qu'il pouvait y avoir autour de ces tableaux dans les années 1890? C'est-à-dire, à partir de quel moment cela flambe-t-il? Est-ce qu'il y a un moment où on va s'arracher les tableaux des impressionnistes après les avoir donc plutôt boudés? Est-ce qu'il va y avoir un vrai marché qui va s'installer autour des tableaux de Monet? Et à partir de quand? Écoutez, on sait que Monet commence à gagner sa vie à partir de 50 ans et qu'il est en mesure d'acquérir sa maison en 1890. À la fin de sa vie, sa peinture vaudra énormément d'argent. Et ça, c'est plutôt dans les années 1919, 1920, juste après la Première Guerre mondiale, quelque chose. Oui, 1900, mais à partir de 1890, les prix augmentent. Claire pourra probablement vous en parler par rapport à Durand-Ruel. Mais Monet vend quand même considérablement bien sa peinture. Pour certains d'entre eux, je crois que pour Pissarro, la situation la vie était toujours difficile, oui. Ainsi que pour Sisley. Oui, vous êtes spécialiste en particulier de Pissarro, Claire Durand-Ruel. Ça n'est pas le cas pour Pissarro comme pour Monet ou comme pour d'autres peintres de ce groupe des impressionnistes. Absolument pas. Pissarro est décédé en 1903. Bon, il est né 10 ans avant Monet, mais Monet est décédé en 1926, donc il y a quand même un gros écart. Et Pissarro, en fait, je pense qu'il avait vécu un petit peu plus longtemps, aurait commencé à avoir plus de succès. Mais celui qui est vraiment mort dans la plus grande misère reste Sisley. Alors, on va vous laisser repartir, Marianne Mathieu, puisque justement, nous avons à quelques mètres d'ici deux très beaux Pissarro que nous allons essayer de rejoindre en passant à travers les outils de chantier, puisque cette installation est en train de se mettre en place. On va glisser entre ces outils et nous trouver face à ces deux Pissarro qui, d'une certaine façon, illustrent ce que nous disions tout à l'heure avec Marianne Mathieu, à savoir ces paysages urbains, des vapeurs, des visions qui correspondent à une ville, des villes qui sont des villes de la fin du 19e siècle en profonde transformation urbaine. Alors vous êtes devant deux vues de Rouen de Pissarro. Alors Pissarro va découvrir Rouen en 1883 grâce à Claude Monet, qui connaissait bien cette ville parce que son frère Léon y habitait et lui-même avait peint dans les années 70 à Rouen. Et quand, dans les années justement 83, Pissarro était vraiment en panne de sujets, d'inspiration, il vendait rien, il tournait en rond, il vivait à Pontoise, enfin, c'était très répétitif. Monet lui dit, écoute, tu devras aller à Rouen, tu connais pas, c'est une ville formidable. Pissarro arrive en 83, il a un choc pictural parce que déjà il se retrouve en ville, lui qui a toujours été à la campagne, donc une ville industrielle, un port en pleine activité. À l'époque de Pissarro, toute l'activité du port s'effectuait sur les quais qui étaient à hauteur des immeubles. Donc son hôtel très chic était devant le quai, c'est-à-dire tous les déchargements des bateaux. Donc Pissarro apprécie cette ville et va faire 4 campagnes de travail à Rouen. Là, vous avez un tableau, celui qui est Soleil levant, enfin on ne le voit pas parce que c'est sous la brume, mais c'est très très tôt le matin, qui a été peint en 1896, lors de ce second séjour. Et à côté, vous avez à peu près le même motif, peint en 1898, lors de son second séjour. À chaque fois, Pissarro peint depuis une chambre d'hôtel. Il a des problèmes d'yeux, il ne peut plus peindre trop dehors. Donc, il est d'un point de vue surélevé et il choisit sa chambre d'hôtel en fonction du paysage. Donc, c'est pour ça qu'il se met sur les quais, parce que la vue est belle, comme il le dit. Il a toute une activité qui se déroule sous ses pieds sans bouger. Et donc, c'est très bien pour représenter des tableaux. Ça va être aussi le début, comme Monet, des séries. Sauf que Monet, à la différence de Pissarro, va peindre à chaque fois dans ses séries des motifs fixes, la cathédrale, les meules, les peupliers, ça ne se défie, des motifs qui ne bougent pas. Pissarro va peindre la ville en mouvement. Donc là, vous avez deux points de vue différents, mais il va les répéter, il va peindre en série cette vue de sa fenêtre sur les quais, mais en chaque fois en changeant un peu d'angle, d'où les différences et d'où surtout ce qui l'intéressait dans les vues, c'était comme Monet, c'était la lumière. Donc il n'hésitait pas à se lever à 5 heures du matin pour peindre un effet de brume avec tout. Et puis voilà, tout ce qu'il aimait, c'était les vapeurs, le reflet de l'eau ou alors un soleil couchant. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est juste à côté d'un caillebotte qu'on ne décrira pas, mais qui lui aussi décrit la ville en mouvement. On va s'acheminer vers la salle d'à côté, où on trouve des Degas et des Renoir. J'aimerais savoir une chose, Claire Durand-Ruel. Vous avez évoqué ces relations entre le groupe des impressionnistes en disant, eh bien, Pissarro qui ne vend pas demande conseil à son ami Monet. Que sait-on justement de ces relations inter-impressionnistes? Ces amitiés, il peut aussi y avoir des inimitiés, ces dissensions, peut-être ces jalousies à partir du moment où certains vont mieux vendre que d'autres? Oui, les impressionnistes s'appréciaient énormément. Pour citer Pissarro, il était très très proche de Monet. Je crois que c'était son plus proche ami parmi les peintres. Il le jalousait, comme vous l'avez signalé, parce que Monet vendait très bien et puis Pissarro, lui, ne vendait pas. Donc il y avait toujours une petite pointe de jalousie. Pissarro était proche de Sisley. Mais à partir des années 90, ils vont un peu tous se disperser. 86, c'est leur dernière exposition commune. Après, ils vont tous exposer individuellement énormément chez Durand-Ruel, qui va enchaîner les expositions monographiques de groupe, mais tout le temps. Il n'y avait pas un moment libre dans la galerie, frénétique, à Paris, à New York, en voyant des toiles dans le monde entier. Très, très, très actifs. Mais s'ils vont exposer ensemble, ça sera parce que des marchands comme Paul Durand-Ruel vont les réunir. Et puis, ils vont tous s'éparpiller. Monet va être absorbé par sa maison à Giverny. Pissarro va s'installer lui-même pas très loin de Giverny, un peu plus loin à Éragny-sur-Epte. Sisley va s'isoler à Moret-sur-Loing parce que les loyers sont tellement chers pour lui qu'il faut qu'il s'éloigne de plus en plus de Paris. Et donc il va finir sa vie tout seul parce qu'il ne viendra même plus à Paris. Enfin, tout va lui coûter cher. Degas, en revanche, lui reste très parisien. Enfin voilà, leur vie évolue, ils ont des familles, donc ils se voient moins, mais ils s'écrivent énormément. On s'écrivait beaucoup. Et ils sont toujours contents quand ils viennent à Paris de voir les tableaux des uns et des autres. Alors, on va terminer avec vous, si vous le voulez bien, devant Degas. personnalité très particulière dans ce groupe des impressionnistes. On sent un caractère énorme de ce personnage, un appétit de vie, d'amour, aussi de scandale que peut-être les autres impressionnistes n'ont pas eu forcément. Il y a donc plusieurs tableaux de Degas qui sont représentés ici. On voit des fameux chevaux, ici un tout petit tableau. Et là, vous avez choisi de nous arrêter devant un autre de ces tableaux. Que dit-il et que représente-t-il ? Parce que c'est vrai qu'il est difficile à interpréter. On est un peu dans la pénombre puisqu'on est en train d'installer tout cela au musée Marmottan-Monet. Que représentent ces deux personnages, l'un ouvrant un livre ou un journal, je ne sais, devant une table ? Et que veut dire Degas dans ce tableau-là ? Alors, c'est assez étonnant. Il a été exécuté en 1895, Degas, une soixantaine d'années. Ce tableau représente son père, Auguste Degas, à l'arrière-plan, vieux monsieur, avec un homme plus jeune qui est Lorenzo Pagan. Lorenzo Pagan était un ténor espagnol. Auguste Degas, le père de l'artiste, était un homme très cultivé qui aimait beaucoup les arts et beaucoup la musique. Donc Degas fils a été élevé dans cette atmosphère musicale et il a représenté à trois reprises le ténor Pagan avec son père Degas. Et ce tableau a été la troisième version qui a été peinte bien après la mort de son père et de Pagan. Et alors que les deux premières versions ont été exécutées du vivant de ces deux personnages, et il avait gardé la première version qui se trouve actuellement au musée d'Orsay, donc on peut aussi la voir, qui montre le Pagan en train de jouer de la guitare avec Auguste Degas à l'arrière-plan, comme sur ce tableau, assis sur une chaise. Et il l'avait dans sa chambre, donc on se demande, ben voilà, lui-même, l'artiste, commence à avoir 60 ans, il voit ce tableau tous les jours au-dessus de son lit, est-ce qu'il n'avait pas envie de replonger là-dedans, dans son passé ? Lui-même était assez obsédé par la mort, on le sait dans ses lettres, c'était quelque chose qui le décès de ses proches, ça le perturbait. Et ce tableau est surtout une composition immensément audacieuse parce qu'il y a un piano à l'arrière-plan qui est raccourci, vu en plongée, la table aussi bascule, les deux personnages ne se parlent pas, on a l'impression qu'ils s'ignorent, que le jeune ténor ignore le père. Enfin voilà, donc une espèce d'atmosphère un peu lourde, des coloris forts, des très sombres pour les vêtements, un rouge profond à l'arrière-plan. Un tableau vraiment d'une très grande force. Oui, hein, il faut dire aussi que Degas a la particularité par rapport à d'autres impressionnistes peut-être d'utiliser plus fréquemment le pastel, par exemple, d'autres types de couleurs que la peinture à l'huile, et que tout cela évidemment fait de lui un personnage particulier, sans compter qu'elle n'est pas encore installée lorsque nous sommes ici. Il y aura ici un des fameux bronzes de Degas. La petite danseuse de 14 ans. Voilà, qui était une merveille absolument de sculpture, qui correspond aussi à ce caractère de Degas, accusé là aussi d'avoir été trop proche des danseuses, trop proche de ce milieu du spectacle, trop proche du Paris qui bouge de l'époque. Alors, on ne va pas pouvoir aller plus avant dans cette exposition, juste mentionner, voilà, juste mentionner qu'à côté de ces deux gars, il y aura de très beaux Renoirs, donc qui vont progressivement être installés et qui seront installés lorsque cette émission sera diffusée. Merci à vous, Claire Durand-Ruel, de nous avoir accompagnés, ainsi que Marianne Mathieu, dans cette promenade ici au musée Marmottan-Monet à Paris, qui ouvre donc cette exposition. Le titre exact de l'exposition, pour qu'on puisse tout de suite la retrouver lorsque les auditeurs ont réécouté cette émission. Les impressionnistes en privé, sans chef-d'œuvre de collection particulière. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Merci. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Claire Maillot et Aurélie Marcet. La prise de son ici à Marmottan a été assurée par Patrick Muller et la réalisation par Séverine Cassard. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.franceculture.fr à la page de la Fabrique de l'Histoire. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours après sa diffusion, la télécharger pendant un an après sa diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.